Attends. Là, c'est bon, là. Thank you. verser en un, sans refrain. C'est mieux, hein. Ou alors changer la tonalité. Paix à ton âme, Daniel. Si tu m'entends là-haut. déjà, ça prend combien de temps? Ah oui, 40. Pis merde. Je fais tourner, d'accord, c'est pas grave, hein. Attendez, je fais tourner, mais... J'essaye. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Et comment retrouver le goût de la vie? Qui pourra remplacer? Ça, c'est plus facile. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Je vais tout casser. Si vous touchez aux fruits de mes entrailles. Lesquels? Thank you.